Selon des dépêches en provenance de la Corée du Sud, l'Association d'études de la jurisprudence démocratique, le Rassemblement des avocats pour une société démocratique, le corps d'aide juridique du Comité de mesures extraordinaires pour la défense du lieu sacré de Songju du bouddhisme Von et autres juristes ont organisé le 4 avril devant le ministère de la Défense une conférence de presse pour publier une déclaration exigeant l'arrêt de la disposition de Saad.